rap sans playback. À croire qu'on a semblé le bail. J'ai augmenté de poids, mes faux sont trompés de paille. Trop pompé de paille, on tise à la taille. J'vois plus le bout, même après le bac. C'est pas la belle vie, souvent la belle vie. Ton enterre la hache de guerre, faut que tu nous appelles vite. Nos jours ça fait le pic, le rap ça paie hâte. Donc on se les belle sur un fin week. J'prends pas de PCP, j'ai tout mort, l'époque des CP. Faut qu'on s'en sorte, faut encaisser le blé, pas porter le PVC. Dans ce décor, mon texte phrase, quoi, t'es les WC. Hip hop hardcore, respect à ceux qui côtoient pas le port. Qui vire pas de port, j'rappe en sous-marin sans matelot. Rare quand j'bois de l'eau, fais gaffe à ta face dans le tableau de bord. La patate restait rétifère, marre des traces sur l'épiderme. Trop de face sur un petit air, c'était la merde, j'étais pané. Banni de la Méditerranée, j'pose pas compagnie. Devenu parano, c'est vrai que ça fait marrer. J'peux pas finir ma vie derrière les barreaux mal barrés. Ici le crime augmente par année. Pas de veste en satin, pourquoi tu trouves ça dingue? Encore une fête sans sapin, j'te mets au parfum, pas le tringue. Y'a pas de cadeau si c'est la fin, c'est moi qui vais fourrer la teinte. Débranche les compteurs, pendant le couplet, c'est vrai que même les compleurs, on vient pas s'accoupler. Faut juste écouter nos phases, dans ton casque ou tes écoutes. J'aime pas les excuses, j'aime pas qu'on m'accuse. Une chose à faire, ne pas faire toutes les erreurs qui usent un temps, c'est rare. Consacrer un gaspillage, attends, si je rappe, moi c'est pour mes gaspillages. Héritage, j'ai pas le temps pour rigoler. Mon maf veut tous nous coller. Avant de se s'appuyer, vos instruments que pour les coller. Et si ça teste dans le plus, mes je serais pas désolé. Écoutez, quoi que vous fassiez, sachez jamais je n'ai pas ça. Mais sachez que le réel en face à face est rude à dire. Donc pourront tu partir, ne sachant plus agir en voyant que la rue attire. Cause, ça fait 10 ans que je pars dans le vent, j'ai donc appris à me dire. J'suis pas un hier, j'en m'a appris à terre. J'me barre contre ce qu'on prime, la terre de ceux qui prime par terre et pas le contraire. J'suis pas barre, on me répète. Les gars, pas grave, faut que j'pète du chou. J'ai déjà la vie, commence à peine, j'ai chaud. Mais pas qu'ici dans cette compète, j'échoue. Il faut pas que j'sois pécho, de façon, moi j'ai pas le choix. Il faut que j'trace mon chemin, mais j'veux pas d'être. Mais t'inquiète, j'veux pas d'être. Mais surtout, j'veux pas d'être. Ne pas être reconnaissant à chaque bar, mec. D'être à être, j'nous vois soumis. J'aimerais changer nos conditions, mais j'suis con, disons qu'on veut te la mettre au fond de la mine. Maintenant t'as mal à ton petit fion, tourner comme un typhon. Je crie, j'écris quand je crie, mais vas-y, je t'en prie. Rien qui s'entourent au fond, on en a rien à foutre.